Chateaubriand, itinéraire de Paris à Jérusalem, troisième partie, édition Furne et compagnie, 1865. Départ pour Jérusalem, Rama, Abou Ghosh, Jérusalem. J'attendais avec impatience le moment de mon départ pour Jérusalem. Le 3 octobre, à 4 heures de l'après-midi, mes domestiques se revêtirent de saillons de poils de chèvre, fabriqués dans la Haute-Égypte, et tels que les portent les Bédouins. Je mis par-dessus mon habit une robe semblable à celle de Jean et de Julien, et nous montâmes sur de petits chevaux. Des bas nous servaient de selle. Nous avions les pieds passés dans des cordes en guise d'étrier. Le président de l'hospice marchait à notre tête, comme un simple frère. Un arabe presque nu nous montrait le chemin, et un autre arabe nous suivait, chassant devant lui un âne chargé de nos bagages. Nous sortîmes par les derrières du couvent, et nous gagnâmes la porte de la ville, du côté du midi, à travers les décombres des maisons détruites dans les derniers sièges. Nous cheminâmes d'abord au milieu des jardins, qui devaient être charmants autrefois. Le père Néret et Monsieur de Volney en ont fait l'éloge. Ces jardins ont été ravagés par les différents partis qui se sont disputés les ruines de Jaffa. Mais il y reste encore des grenadiers, des figuiers de Pharaon, des citronniers, quelques palmiers, des buissons de nopal, et des pommiers, que l'on cultive aussi dans les environs de Gaza, et même au couvent du mont Sinaï. Nous nous avançâmes dans la plaine de Saron, dont l'écriture loue la beauté. Note. Voyez les martyrs, livre 17. Quand le père Néry passa, au mois d'avril 1713, elle était couverte de tulipes. La variété de leurs couleurs, dit-il, forme un agréable parterre. Les fleurs qui couvrent au printemps cette campagne célèbre sont les roses blanches et roses, le narcisse, l'anémone, les lys blancs et jaunes, les giroflées, et une espèce d'immortelle très odorante. La plaine s'étend le long de la mer, depuis Gaza au midi jusqu'au mont Carmel au nord. Elle est bornée au levant par les montagnes de Judée et de Samarie. Elle n'est pas d'un niveau égal. Elle forme quatre plateaux qui sont séparés les uns des autres par un cordon de pierre nue et dépouillée. Le sol est une arène fine, blanche et rouge, et qui paraît, quoique sablonneuse, d'une extrême fertilité. Mais, grâce au despotisme musulman, ce sol n'offre de toutes parts que des chardons, des herbes séchées flétries, entremêlées de chétives plantations de coton, de doura, d'orge et de froment. Ça et là paraissent quelques villages toujours en ruine, quelques bouquets d'oliviers et de sycomores. À moitié chemin de Rama à Jaffa, on trouve un puits indiqué par tous les voyageurs. L'abbé Mariti en fait l'histoire, afin d'avoir le plaisir d'opposer l'utilité d'un santon turc à l'inutilité d'un religieux chrétien. Près de ce puits on remarque un bois d'olivier planté en quinconce, et dont la tradition fait remonter l'origine au temps de Godefroy de Bouillon. On découvre de ce lieu Rama ou Ramlé, situé dans un endroit charmant, à l'extrémité d'un des plateaux ou des plis de la plaine. Avant d'y entrer, nous quittâmes le chemin pour visiter une citerne, ouvrage de la mère de Constantin, Sainte-Hélène. On y descend par 27 marches. Elle a 33 pas de long sur 30 de large. Elle est composée de 24 arches, et reçoit les pluies par 24 ouvertures. De là, à travers une forêt de nopales, nous nous rendîmes à la tour des 40 martyrs, aujourd'hui le minaret d'une mosquée abandonnée, autrefois le clocher d'un monastère dont il reste d'assez belles ruines. Ces ruines consistent en des espèces de portiques assez semblables à ceux des écuries de Mécène à Tibur. Ils sont remplis de figuiers sauvages. On veut que Joseph, la Vierge et l'enfant se soient arrêtés dans ce lieu lors de la fuite en Égypte. Ce lieu certainement serait charmant pour y peindre le repos de la Sainte Famille. Le génie de Claude Lorrain semble avoir deviné ce paysage, à en juger par son admirable tableau du palais Doria à Rome. Sur la porte de la tour, on lit une inscription arabe, rapportée par Monsieur de Volnay. Tout près de là est une antiquité miraculeuse décrite par Muratori. Après avoir visité ces ruines, nous passâmes près d'un moulin abandonné. Monsieur de Volnay le cite comme le seul qu'il eût vu en Syrie. Il y en a plusieurs autres aujourd'hui. Nous descendîmes à Rama et nous arrivâmes à l'hospice des moines de Terre Sainte. Ce couvent avait été saccagé 5 années auparavant, et l'on me montra le tombeau d'un des frères qui périt dans cette occasion. Les religieux venaient enfin d'obtenir avec beaucoup de peine la permission de faire à leur monastère les réparations les plus urgentes. De bonnes nouvelles m'attendaient à Rama. J'y trouvai un droguement du couvent de Jérusalem, que le gardien envoyait au-devant de moi. Le chef arabe que les pères avaient fait avertir, et qui me devait servir d'escorte, rôdait à quelque distance dans la campagne, car la gare de Rama ne permettait pas aux Bédouins d'entrer dans la ville. La tribu la plus puissante des montagnes de Judée fait sa résidence au village de Jérémie. Elle ouvre et ferme à volonté le chemin de Jérusalem aux voyageurs. Le cheikh de cette tribu était mort depuis très peu de temps. Il avait laissé son fils Uthman sous la tutelle de son oncle Abou Ghosh. Celui-ci avait 2 frères, Djeber et Ibrahim Abel Rouman, qui m'accompagnèrent à mon retour. Il fut convenu que je partirais au milieu de la nuit. Comme le jour n'était pas encore à sa fin, nous soupâmes sur les terrasses qui forment le toit du couvent. Les monastères de Terre Sainte ressemblent à des forteresses lourdes et écrasées, et ne rappellent en aucune façon les monastères de l'Europe. Nous jouissions d'une vue charmante. Les maisons de Rama sont des cahutes de plâtre, surmontées d'un petit dôme tel que celui d'une mosquée ou d'un tombeau de santons. Elles semblent placées dans un bois d'oliviers, de figuiers, de grenadiers, et sont entourées de grands nopals qui affectent des formes bizarres, et entassent en désordre les unes sur les autres leurs palettes épineuses. Du milieu de ce groupe confus d'arbres et de maisons s'élancent les plus beaux palmiers de l'Idumée. Il y en avait un surtout dans la cour du couvent que je ne me lassais point d'admirer. Il montait en colonne à la hauteur de plus de 30 pieds, puis épanouissait avec grâce ses rameaux recourbés, au-dessous desquels les dattes à moitié mûres pendaient comme des cristaux de corail. Rama est l'ancienne Arimathie, patrie de cet homme juste qui eut la gloire d'ensevelir le Sauveur. Ce fut à l'eau, Lydaudiospolis, village à une demi-lieue de Rama, que Saint-Pierre opéra le miracle de la guérison du paralytique. Pour ce qui concerne Rama, considéré sous les rapports du commerce, on peut consulter les mémoires du baron de Toth et le voyage de Monsieur de Volnay. Nous sortîmes de Rama le 4 octobre à minuit. Le père président nous conduisit par des chemins détournés, à l'endroit où nous attendait Abou Ghosh, et retourna ensuite à son couvent. Notre troupe était composée du chef arabe, du drogman de Jérusalem, de mes 2 domestiques, et du bédouin de Jaffa qui conduisait l'âne chargé du bagage. Nous gardions toujours la robe et la contenance de pauvres pèlerins latins, mais nous étions armés sous nos habits. Après avoir chevauché une heure sur un terrain inégal, nous arrivâmes à quelques masures placées au haut d'une éminence rocailleuse. Nous franchîmes un des ressauts de la plaine, et, au bout d'une autre heure de marche, nous parvînmes à la première ondulation des montagnes de Judée. Nous tournâmes par un ravin raboteux autour d'un monticule isolé et aride. Au sommet de ce tertre, on entrevoyait un village en ruine et les pierres éparses d'un cimetière abandonné. Ce village porte le nom du Latrone ou du Larron. C'est la patrie du criminel qui se repentit sur la croix, et qui fit faire au Christ son dernier acte de miséricorde. 3000 plus loin, nous entrâmes dans les montagnes. Nous suivions le lit desséché d'un torrent. La lune, diminuée d'une moitié, éclairait à peine nos pas dans ses profondeurs. Les sangliers faisaient entendre autour de nous un cri singulièrement sauvage. Je compris à la désolation de ses bords comment la fille de Jephthé voulait pleurer sur la montagne de Judée, et pourquoi les prophètes allaient gémir sur les hauts lieux. Quand le jour fut venu, nous nous trouvâmes au milieu d'un labyrinthe de montagnes de forme conique, à peu près semblables entre elles et enchaînées l'une à l'autre par la base. La roche qui formait le fond de ces montagnes perçait la terre. Ces bandes ou ces corniches parallèles étaient disposées comme les gradins d'un amphithéâtre romain, ou comme ces murs en échelons avec lesquels on soutient les vignes dans les vallées de la Savoie. On les soutenait autrefois de la même manière en Judée. À chaque redent du rocher croissaient des touffes de chêne nain, des buis des lauriers roses. Dans le fond des ravins s'élevaient des oliviers, et quelquefois ces arbres formaient des bois entiers sur le flanc des montagnes. Nous entendîmes crier divers oiseaux, entre autres des geais. Parvenus au plus haut point de cette chaîne, nous découvrîmes, derrière nous, au midi et à l'occident, la plaine de Saron jusqu'à Jaffa, et l'horizon de la mer jusqu'à Gaza. Devant nous, au nord et au levant, s'ouvrait le vallon de Saint-Jérémie, et dans la même direction, sur le haut d'un rocher, on apercevait au loin une vieille forteresse appelée le château des Maccabées. On croit que l'auteur des Lamentations vint au monde dans le village qui a retenu son nom au milieu de ces montagnes. Il est certain que la tristesse de ces lieux semble respirer dans les cantiques du prophète des douleurs. Note. Cette tradition du pays ne tient pas contre la critique. Cependant, en approchant de Saint-Jérémie, je fus un peu consolé par un spectacle inattendu. Des troupeaux de chèvres à oreilles tombantes, des moutons à large queue, des ânes qui rappelaient par leur beauté le nagre des Écritures, sortaient du village au lever de l'aurore. Des femmes arabes faisaient sécher des raisins dans les vignes. Quelques-unes avaient le visage couvert d'un voile, et portaient sur leur tête un vase plein d'eau, comme les filles de Madian. La fumée du hameau montait en vapeur blanche au premier rayon du jour. On entendait des voix confuses, des chants, des cris de joie. Cette scène formait un contraste agréable avec la désolation du lieu et les souvenirs de la nuit. Notre chef arabe avait reçu d'avance le droit que la tribu exige des voyageurs, et nous passâmes sans obstacle. Tout à coup je fus frappé de ces mots prononcés distinctement en français. En avant, marche, je tournai la tête, et j'aperçus une troupe de petits arabes tout nus qui faisaient l'exercice avec des bâtons de palmier. Je ne sais quel vieux souvenir de ma première vie me tourmente, et quand on me parle d'un soldat français, le cœur me bat. Mais voir de petits bédouins dans les montagnes de la Judée imiter nos exercices militaires et garder le souvenir de notre valeur, les entendre prononcer ces mots qui sont, pour ainsi dire, les mots d'ordre de nos armées, et les seuls que sachent nos grenadiers, Il y aurait eu de quoi toucher un homme moins amoureux que moi de la gloire de sa patrie. Je ne fus pas si effrayé que Robinson quand il entendit parler son perroquet, mais je ne fus pas moins charmé que ce fameux voyageur. Je donnai quelques médains au petit bataillon, en lui disant « En avant, marche !» Et afin de ne rien oublier, je lui criai « Dieu le veut, Dieu le veut !» comme les compagnons de Godefroy et de Saint-Louis. De la vallée de Jérémie nous descendîmes dans celle de Térébinthe. Elle est plus profonde et plus étroite que la première. On y voit des vignes et quelques roseaux de Doura. Nous arrivâmes au torrent où David enfant prit les cinq pierres dont il frappa le géant Goliath. Nous passâmes ce torrent sur un pont de pierre, le seul qu'on rencontre dans ces lieux déserts. Le torrent conservait encore un peu d'eau stagnante. Tout près de là, à main gauche, sous un village appelé Calonie, je remarquai parmi des ruines plus modernes les débris d'une fabrique antique. L'abbé Mariti attribue ce monument à je ne sais quel moine. Pour un voyageur italien, l'erreur est grossière. Si l'architecture de ce monument n'est pas hébraïque, elle est certainement romaine. L'aplomb, la taille et le volume des pierres ne laissent aucun doute à ce sujet. Après avoir passé le torrent, on découvre le village de Kiryat Lefta au bord d'un autre torrent desséché, qui ressemble à un grand chemin poudreux. El Biré se montre au loin, au sommet d'une haute montagne, sur la route de Nablus, Nabolos, ou Nabolosa, la Sichem du royaume d'Israël, et la Néapolis des Hérodes. Nous continuâmes à nous enfoncer dans un désert, où des figuiers sauvages clairs semaient étalés au vent du midi leurs feuilles noircies. La terre, qui jusqu'alors avait conservé quelques verdures, se dépouilla, les flancs des montagnes s'élargirent, et prirent à la fois un air plus grand et plus stérile. Bientôt toute végétation cessa. Les mousses même disparurent. L'amphithéâtre des montagnes se teignit d'une couleur rouge et ardente. Nous gravîmes pendant une heure ces régions attristées pour atteindre un col élevé que nous voyons devant nous. Parvenus à ce passage, nous cheminâmes pendant une autre heure sur un plateau nu semé de pierres roulantes. Tout à coup, à l'extrémité de ce plateau, j'aperçus une ligne de murs gothiques flanquée de tours carrées, et derrière lesquelles s'élevaient quelques pointes d'édifices. Au pied de ces murs paraissait un camp de cavalerie turque dans toute la pompe orientale. Le guide s'écria, « El Kots, la Sainte, Jérusalem !» et il s'enfuit au grand galop. Note. Abou Ghosh, quoique sujet du grand seigneur, avait peur d'être avanisé et bâtonné par le pacha de Damas, dont nous apercevions le camp. Je conçois maintenant ce que les historiens et les voyageurs rapportent de la surprise des croisés et des pèlerins, à la première vue de Jérusalem. Je puis assurer que quiconque a eu comme moi la patience de lire, à peu près 200 relations modernes de la Terre Sainte, les compilations rabbiniques et les passages des anciens sur la Judée, ne connaît rien du tout encore. Je restais les yeux fixés sur Jérusalem, mesurant la hauteur de ses murs, recevant à la fois tous les souvenirs de l'histoire, depuis Abraham jusqu'à Godefroy de Bouillon, pensant au monde entier changé par la mission du Fils de l'homme, et cherchant vainement ce temple dont il ne reste pas pierre sur pierre. Quand je vivrai 1000 ans, jamais je n'oublierai ce désert qui semble respirer encore la grandeur de Jéhovah, et les épouvantements de la mort. Note. Nos anciennes Bibles françaises appellent la mort le roi des épouvantements. Les cris du drogman, qui me disait de serrer notre troupe parce que nous allions entrer dans le camp, me tirèrent de la stupeur où la vue des lieux saints m'avait jeté. Nous passâmes au milieu des tentes. Ces tentes étaient de peau de brebis noire. Il y avait quelques pavillons de toile rayée, entre autres, celui du pacha. Les chevaux sellés bridés étaient attachés à des piquets. Je fus surpris de voir 4 pièces d'artillerie à cheval. Elles étaient bien montées, et le charronnage m'en parut anglais. Notre mince équipage et nos robes de pèlerin excitaient la risée des soldats comme nous approchions de la porte de la ville. Le pacha sortait de Jérusalem. Je fus obligé d'ôter promptement le mouchoir que j'avais jeté sur mon chapeau pour me défendre du soleil, dans la crainte de m'attirer une disgrâce pareille à celle du pauvre Joseph à Tripolisa. Nous entrâmes dans Jérusalem par la porte des pèlerins, la porte de Jaffa. Auprès de cette porte s'élève la tour de David, plus connue sous le nom de la tour des Pisans. Nous payâmes le tribut, et nous suivîmes la rue qui se présentait devant nous. Puis, tournant à gauche, entre des espèces de prisons de plâtre qu'on appelle des maisons, nous arrivâmes, à midi 22 minutes, au monastère des Pères Latins. Il était envahi par les soldats d'Abdallah, qui se faisaient donner tout ce qu'ils trouvaient à leur convenance. Il faut être dans la position des pères de Terre Sainte pour comprendre le plaisir que leur causait mon arrivée. Ils se crurent sauvés par la présence d'un seul Français. Je remis au père Bonaventure de Nola, gardien du couvent, une lettre de monsieur le général Sebastiani. « Monsieur, me dit le gardien, c'est la Providence qui vous amène. Vous avez des firmans de route ? Permettez-nous de les envoyer au pacha. Il saura qu'un Français est descendu au couvent. Il nous croira spécialement protégés par l'empereur. L'année dernière, il nous contraignit de payer 60 000 piastres. D'après l'usage, nous ne lui en devons que 4 000, encore à titre de simple présent. Il veut cette année nous arracher la même somme. Et il nous menace de se porter aux dernières extrémités, si nous la refusons. Nous serons obligés de vendre les vases sacrés, car depuis 4 ans nous ne recevons plus aucune aumône de l'Europe. Si cela continue, nous nous verrons forcés d'abandonner la Terre Sainte, et de livrer aux mahométans le tombeau de Jésus-Christ. Je me trouvais trop heureux de pouvoir rendre ce léger service au gardien. Je le priai toutefois de me laisser aller au Jourdain, avant d'envoyer les firmans, pour ne pas augmenter les difficultés d'un voyage toujours dangereux. Abdallah aurait pu me faire assassiner en route, et rejeter le tout sur les Arabes. Le père Clément Pérès, procureur général du couvent, homme très instruit, d'un esprit fin, orné et agréable, me conduisit à la chambre d'honneur des pèlerins. On y déposa mes bagages, et je me préparai à quitter Jérusalem quelques heures après y être entré. J'avais cependant plus besoin de repos que de guerroyer avec les Arabes de la mer morte. Il y avait longtemps que je courais la terre et la mer pour arriver au saint lieu. À peine touchais-je au but de mon voyage, que je m'en éloignais de nouveau. Mais je crus devoir ce sacrifice à des religieux qui font eux-mêmes un perpétuel sacrifice de leur bien et de leur vie. D'ailleurs, j'aurais pu concilier l'intérêt des pères et ma sûreté en renonçant à voir le Jourdain, et il ne tenait qu'à moi de mettre des bornes à ma curiosité. Tandis que j'attendais l'instant du départ, les religieux se mirent à chanter dans l'église du monastère. Je demandai la cause de ces chants, et j'appris que l'on célébrait la fête du patron de l'ordre. Je me souvins alors que nous étions au 4 octobre, jour de la Saint-François, jour de ma naissance et de ma fête. Je courus au chœur, et j'offris des vœux pour le repos de celle qui m'avait autrefois donné la vie à pareil jour. Je regarde comme un bonheur que ma première prière à Jérusalem n'ait pas été pour moi. Je considérais avec respect ces religieux qui chantaient les louanges du Seigneur à 300 pas du tombeau de Jésus-Christ. Je me sentais touché à la vue de cette faible mais invincible milice restée seule à la garde du Saint-Sépulcre, quand les rois l'ont abandonnée. Voilà donc quel vengeur s'arme pour ta querelle. Markemdanarchive.org. Le texte est adapté à la lecture en synthèse vocale, les passages en italien, en latin et les mots écrits en grec sont traduits ou supprimés. Licence Creative Commons. Pas d'utilisation commerciale. Partage à l'identique.